OK. Nouvelle positive, cette semaine très positive, une petite nouvelle. Pierre Arsenault qui a été nommé dans l'équipe d'instructeurs des Capitales de Québec. Et question un peu de savoir comment que ça se passe, comment ça s'est arrivé les négociations. On lui parle. Salut Pierre. Salut, ça va bien, Ça Danny? va bien, ça va bien. Pierre, je suis vraiment content pour. Je suis vraiment content. Une belle nouvelle pour les Capitales de Québec. C'est une nouvelle sympathique. Ce que j'appelle une petite nouvelle sympathique, ça. Oui, c'est puis pour te dire la vérité, ça sortait un peu du champ gauche. Tu sais, j'avais eu des pourparlers avec différentes personnes au sujet de différents projets. Et puis tout à coup, un samedi après-midi, Patrick Scalabrini m'appelle. Okay. Et puis c'est là qu'il m'a lancé l'idée. Il dit, écoute, j'aurais besoin de quelqu'un parce qu'il y avait Carl Gilina comme instructeur des lanceurs puis instructeur adjoint dans les dernières saisons. Mais Carl, lui, il s'en va avec le junior élite. Avec l'équipe de Québec à temps plein, surtout à temps plein parce qu'il va être le gérant et tout ça. Et c'est là qu'il m'a lancé l'idée. Et puis, par la suite, j'ai eu des conversations. On a eu des conférences Zoom avec Michel Laplante, que je connaissais de notre séjour avec les Expos quand il était en uniforme en l'an 2000. Et Charles Demers, le directeur adjoint. Et puis, c'est là que j'ai vu que, wow, ils sont sérieux. Et puis, c'est quelque chose qui m'intéressait, surtout avec le fait que Québec entrait dans une nouvelle ligue, ben c'était censé l'année dernière, en 2020, avec la COVID, ils n'ont pas pu jouer. Mais une nouvelle ligue qui est affiliée avec le baseball majeur. Et puis lorsque tu regardes les joueurs qui sont dans cette ligue-là, c'est des bons joueurs, des gars avec des parcours dans le baseball professionnel, des gars qui essayent d'avoir une deuxième chance. Alors j'ai été impressionné par Pat et puis Michel, Charles et toute l'organisation. C'est là que j'ai décidé de plonger. À pied joint. Ça va être quoi ton rôle dans l'équipe d'instructeurs? Ça va être quoi? Ça va-tu être gérant sur le banc? Ça va-tu être instructeur des receveurs? Puisque tu as de l'expérience comme receveur dans l'enclos, c'est quoi en fait? Je pense que c'est un peu de tout. Ça va être un peu de tout parce que dans le baseball indépendant, tout comme dans le baseball mineur, tu sais, tu peux pas avoir 32 instructeurs sur le banc. Alors, tu as de différentes tâches, mais ma tâche principale, ça va être de travailler avec les lanceurs. Okay. Et également un peu en collaboration avec Pat dans le recrutement des joueurs à cause de mon expérience des 10 dernières saisons comme dépisteur, surtout que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs dans les ligues mineures. Alors, il y a plusieurs joueurs qu'on peut discuter, que j'ai eu la chance de voir dans n'importe quel niveau dans les 10 dernières saisons. Alors, je pense que je peux apporter un petit quelque chose à l'organisation au point de vue de recrutement. Et puis, mais mon rôle principal, ça va être avec les lanceurs. Mais naturellement, je vais travailler un peu avec les receveurs. Puis, non, ça va toucher un peu à tout. Et moi, j'adore travailler avec les lanceurs parce que, étant ancien receveur et ayant travaillé pendant 24 ans dans un enclos des releveurs, je suis habitué de regarder des lanceurs. Oui. Pierre, tu as parlé de dépistage, tu as parlé de trouver des joueurs, tu as quand même pas mal de contacts dans le baseball affilié, là. Donc ça peut aider beaucoup, là. Oui, ça peut aider, surtout à ce temps-ci de l'année, les camps d'entraînement, là, c'est là que les camps des ligues mineures vont commencer dans quelques semaines. Et souvent, il y a plusieurs joueurs qui sont libérés par les organisations, et surtout cette année, avec le fait que le baseball majeur a coupé comme 49 équipes dans le réseau des filiales à travers les États-Unis. Cela veut dire qu'il va y avoir des joueurs qui vont justement chercher une place à peut-être continuer leur carrière. Et on sait que Québec, c'est une maudite belle ville, c'est une maudite belle place. Et puis, si on peut avoir du baseball cet été et que tout est réglé, ben je pense qu'on va être capable d'attirer des joueurs qui pourraient aider la formation. Ouais. As-tu fait une croix sur ta carrière dans le baseball, le baseball affilié? Est-ce que tu as des négociations encore avec d'autres équipes? Est-ce que tu espères revenir? Tu as quand même été avec les Marlins. C'est sûr que le baseball majeur a quand même mangé une claque côté revenu. C'est ce qui a fait en sorte que tu as perdu ton emploi avec les Marlins. Mais est-ce que tu penses revenir? Est-ce que tu veux revenir? Bien, c'est pas une question de vouloir, mais c'est une question que moi, je ne mets jamais de croix sur rien parce que tu ne sais jamais ce que la vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Alors, moi, je ne mets jamais une croix sur quoi que ce soit, mais je ne recherchais pas un emploi dans le baseball majeur particulièrement pendant ces derniers mois. Et je comprends la situation du COVID, tu sais, je veux dire, pour garder ça clairement aussi, pourquoi qu'une organisation voudrait engager, puis j'ai eu des pourparlers là, dans les derniers mois avec des amis qui travaillent dans d'autres organisations. Il y a 29 équipes aux États-Unis, alors c'est difficile d'avoir un Canadien, surtout dans un temps de pandémie, quand il y a des règles assez sévères et sérieuses au point de vue de la quarantaine. Alors, tu sais, c'est difficile d'engager une personne canadienne en ce moment. Mais non, moi, je ne mets jamais de croix sur rien. Et puis, si jamais une opportunité se présente et que c'est la bonne pour la famille et Pierre Arsenault, ben on va l'analyser. Mais pour l'instant, moi, je suis très fier de pouvoir porter l'uniforme des Capitales. On dirait que c'est un retour aux sources. Surtout que la Ligue est intéressante cette année. C'est sûr que si, ça dépend toujours, encore une fois, si on va avoir des équipes, si on a le droit de traverser la frontière, là, c'est rendu à 7 jours. On espère que d'ici une coupe, d'ici l'été, on va monter ça à plus de quarantaine, plus rien. Par contre, tu sais, on pourrait monter jusqu'à 24-25 équipes. C'est ça qui est le fun, les Frontiers. Parce que le projet est intéressant, là. Oui, c'est un projet intéressant, puis tu as déjà 3 équipes au Canada, tu sais, je veux dire, puis peut-être plus dans le futur. Et puis comme je disais, le fait qu'ils sont affiliés maintenant avec le baseball majeur, je pense que ça aide au point de vue crédibilité, puis ça aide pour aller chercher des joueurs, parce qu'il y a plusieurs joueurs, là, je pense que le monde va peut-être être surpris quand ils vont voir certains joueurs débarquer dans cette ligue-là, puis à Québec, puis ils vont dire « Hey, je l'ai vu jouer dans les majeures, lui, hey, j'espère, une bonne carrière. » C'est ça que je parle à Michel Laplante. T'sais. C'est ça que je dis à Michel Laplante. Il y a des joueurs qui ont pas donné. Je pense, je vais te lancer un nom comme ça, ça ne veut pas dire que ça va être lui, mais Edwin Encarnacion, exemple, qui veut rester dans les majeures, qui veut jouer encore. Par contre, il n'y a aucune équipe jusqu'à maintenant qui a fait de l'œil à Edwin Encarnacion. Puis en plus, il veut jouer, il veut participer à aux qualifications des Olympiques pour son pays. Donc, de voir débarquer un Edwin Encarnacion, que ce soit avec les Capitales ou une autre équipe, ça amène de la crédibilité. Là. Tu sais, c'est un nom que je lance la main. Ben, rappelle-toi, Manny Ramirez. Ouais, tu sais, Manny, je sais qu'il est rendu plus vieux, mais pendant plusieurs années, puis faut pas oublier les Canseco. La famille Canseco a fait la même chose. Fait que c'est des gros, il y a des gros noms, puis il y a des noms qui sont encore capables de jouer dans plusieurs ligues. Et si ça peut être un tremplin, justement, vers le retour vers les majeurs ou quelque chose, pourquoi pas? C'est pour ça que j'aime la crédibilité de cette ligue-là, parce que c'est comme une deuxième ou troisième chance pour certains joueurs. Puis, tu sais, il y a des bons joueurs qui ne peuvent pas jouer baseball affilié, là, parce qu'il n'y a pas assez d'équipes. Fait que les chiffres sont, il y a moins de joueurs sous contrat pour chaque organisation. Mm. Alors, ça veut dire qu'il y a des bons joueurs qui sont libérés à chaque année. Oui, effectivement. Terminant, tu vas travailler un petit peu dans les médias aussi. J'ai su que tu allais participer à l'émission de RDS mardi et jeudi, en tout cas. Oui, RDS m'a fait un genre de clin d'œil là, pour l'émission de préparation de la saison 2021. Alors, Non, quand je parle baseball, je suis bien heureux. C'est un sport que j'ai pratiqué presque toute ma vie et que j'adore. Alors, tu t'exprimes bien et tu as des bonnes analyses aussi. Fait que ta place est pas mal dans les médias aussi. Puis je trouve ça plate que ça n'a pas fait avec TVA Sport, mais regarde, c'est probablement juste partie remise. Là. Oui, ben comme je te disais, moi je mets jamais de croix sur rien. Je regarde autour de moi et puis j'essaie de profiter des choses qui sont présentées devant moi. Et comme je te dis, le fait de représenter une équipe québécoise et puis d'avoir une forme d'un produit québécois, c'est le fun de retourner un peu à nos sources et puis de participer à un bon produit. Pierre, un gros merci, au plaisir de se reparler. Ben, ça me fait plaisir. Notre ami Pierre Arsenault qui nous parlait de sa nomination avec les Capitales de Québec.